Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Quatrième épisode. Previously, dans Mars attaque. Le salon du livre, je veux dire Paris Livre, est une dure épreuve pour tout le monde. Tout en signant des BD à tour de bras, comment tu t'appelles ? Jean-Pierre Peuchère a annoncé la mort d'Amélie Nothon à un groupie. C'est atroce. Qui a mal pris la plaisanterie. On ne joue pas avec la mort, monsieur. Pendant que Bianca Mars, grande dame de Stanislas. Cette salope m'a piégé. Anne-Sophie. Je pense que cette petite pute, je sais pas comment on dit en canadien, mais en français, il n'y a pas d'autre mot. Et Julien. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Stan ? A continué sur les ondes sa croisade contre le plagiat. Et pour la poésie. J'ai aimé tout mon amour de jeune fille que j'étais encore, naïve, dans ma province reculée du Québec, toute babade, recevoir des lettres d'un écrivain français que j'adore. Puis là, tout d'un coup, plus de nouvelles. J'écris, plus rien en écho, le silence de la mer. Ben, vous me demandez pas ce que j'ai ressenti. Qu'avez-vous ressenti ? Bianca Mars. Après son intervention au micro de France Culture, et encouragée par le succès de l'émission, Bianca Mars sort du studio, suivie par son avocat, qui tente toujours de l'empêcher de faire un nouvel esclandre. Je vous défends de parler, Bianca, ou je ne vous défends plus. Mais elle est bien décidée à affronter Stanislas Norvy en chair et en os. Je suis en recherche des éditions du BAC, Stanislas Norvy. Tu l'as-tu pourvu par hasard ? Et elle se rend sur le stand des éditions du BAC. Là aussi règne une grande effervescence. Car on s'arrache les derniers exemplaires du roman de Stanislas Norvide avant que la jeune Canadienne n'obtienne son interdiction comme elle le réclame. En son absence, Bianca Mars tombe sur Anne-Sophie, qui l'accueille avec des mots qu'on ne peut décemment répéter à l'antenne. Bianca Mars décide alors de se rendre rue du Bac, au siège des éditions du même nom. Mais en sortant du salon, vous êtes Jean-Pierre Peuchère. Bianca Mars reconnaît l'écrivain. Avant. En arrivant aux éditions du BAC, Bianca Mars ne peut rencontrer Stanislas Norvide comme elle l'aurait souhaité. Mais elle est reçue par Julien Després, le directeur. Bianca Mars, alors qu'est-ce qu'elle veut ? Qui, après un instant d'hésitation, la fait entrer dans son bureau. Je dois dire que votre visite me surprend, mademoiselle. Tu crois-tu que je viens de proposer un accord à l'amiable ? Mais je ne crois rien, mademoiselle. Laissez-moi vous dire que je regrette profondément ce qui s'est passé, mais je n'apprécie pas davantage votre façon de faire. Brutale, procédurière, vindicative, insultante. Mm-hmm. Vous avez écrit des lettres, c'est vrai, à Stanislas Norvide, qui se trouvait alors dans une situation absolument dramatique. Bien au chaud, là, en prison ? Non, il était totalement désespéré par son geste. Je peux en témoigner. L'écriture a été sa planche de salut. Comme c'est touchant. Il semble en effet qu'il n'y ait pas grand-chose susceptible de vous émouvoir. Mis à part l'argent, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, m'arrive d'être sensible à l'intelligence des hommes, leur belle façon de parler, leur élégance. Tu mesures-tu combien, Monsieur Després ? Pardon ? Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh, sois donc pas coincé comme ça. Je crois que nous nous égarons. Ah oui, c'est possible. Mais c'est bien de s'égarer, non ? Mais peut-être tu considères-tu l'inspiration comme un truc réservé au mal ? Nous sommes en effet en plein délire. Un délire inhérent au génie ? Nous allons nous arrêter, là. Hey ! Qu'est-ce que c'est ? Tu devines-tu pas ? Un manuscrit ? Que vous avez écrit ? Bravo ! Ah, je commence à comprendre. Ça t'intéresse-tu ? Et de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'une jeune écrivaine qui vient d'un pays où on a peau froid aux yeux. Mmh. Elle rentre dans le bureau d'un éditeur parisien, bel homme, puis... Elle lui raconte son histoire avec tellement d'émotion. Oh mon Dieu. Sensualité, là. Mmh. Que l'éditeur tombe sous le charme. Oh. Sans l'avoir lu. Ouh. éditions du Bac et Stanislas Norrid, auteur de Septembre Rouge. Plainte pour plagiat concernant les pages 10 à 12, 27 à 29, 56 à 59, 119 à 123 et 288 à 297. Objet de la demande, Monsieur Stanislas Norvid a écrit un livre intitulé Septembre Rouge, aux éditions du Bac, mis en place en librairie le 15 février de cette année. Ce livre tient du récit, du roman et du journal de prison. En effet, Stanislas Norvid y raconte sa vie privée et celle des autres, notamment celle de sa victime, Maria Mele, sur laquelle il s'est livré à des voies de fait d'une gravité qui lui ont valu une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 3 fermes. Au cours de cette détention, M. Norvid a entretenu une relation épistolaire régulière avec une admiratrice de son œuvre, Mademoiselle Bianca Mars. Sur les 18 mois que dura cet échange, Mademoiselle Bianca Mars aura adressé 47 lettres. 15 de ces lettres ont été reproduites partiellement ou intégralement dans le roman de M. Norvid, sans que celui-ci en ait avisé son auteur. L'ensemble des emprunts répartis tout au long du livre représente environ 20 pages, ce qui en fait un des fondements de l'ouvrage. À aucun moment, Mademoiselle Bianca Mars a envisagé de publier ses lettres. En la voyant arriver à Roissy en début de semaine, nous avons d'abord cru que Bianca Mars était intéressée par l'argent qu'elle allait pouvoir tirer de cette affaire. Puis nous nous sommes rendus compte qu'elle avait une autre ambition. Sa beauté, sa jeunesse, son caractère volubile et son esprit désinhibé semblant lui tracer un destin de star. Mais rien n'arrête les jeunes filles de son espèce. C'est avec sidération que nous l'avons vue user de son pouvoir de séduction auprès de Julien Després, l'éditeur de Septembre Rouge, pour faire publier son premier manuscrit. Ce roman autobiographique en diable devrait la faire passer du statut de correspondante de prison odieusement plagiée au statut d'écrivain à part entière, au style inimitable. Chantage ou coup de foudre, un contrat d'édition, vite imprimé par la secrétaire, est signé dans l'heure qui suit le premier baiser. Il lie la plaignante à la partie adverse pour une somme qui restera secrète, mais n'éteint pas pour autant la plainte qui les oppose. Et les deux amants se retrouvent, le lendemain, à l'audience de référé au palais de justice de Paris, en présence des avocats et d'une certaine quantité de journalistes. Nous contestons le terme de plagiat principalement pour deux raisons, monsieur le juge. D'une part, les lettres de Mademoiselle Bianca Mars ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre. Elles n'ont pas été éditées et, à notre connaissance, n'ont donné lieu à aucun projet de ce type. Mademoiselle Mars ne peut donc s'attribuer le titre d'écrivain. Ce n'est pas parce qu'elle écrit qu'elle est écrivain, vous l'admettrez aisément. Or, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'œuvre. Et il ne peut donc pas y avoir de plagiat. En fait, ces lettres constituent un tel condensé de lieux communs, je dis bien communs, c'est-à-dire communs à tous, et donc n'appartenant à personne en particulier, que Mademoiselle Mars ne peut d'aucune façon s'en prévaloir comme auteur. Oh, somme, quel salaud! S'il vous plaît, madame, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure. Continuez, maître Morand. Pour qu'un écrit soit considéré comme une œuvre, et je ne parle pas de chef-d'œuvre, hein, juste une œuvre, il faut qu'il recèle un soupçon d'originalité. Vous n'en trouverez pas, monsieur le juge, dans les lettres de Mademoiselle Mars. Nous démontrerons ici, si cela est nécessaire, que les mots de Mademoiselle Mars, dans leur banalité, et je dirais dans leur médiocrité, font partie de ce qu'il convient d'appeler le fond commun de notre culture galante. Je citerai, si vous le désirez, quelques extraits qui soutiendront mon propos. Enfin, cette banalité très ordinaire, cette vulgarité très courante, c'est précisément ce que Stanislas Norvid, écrivain reconnu, grand styliste, connaisseur éminent de l'histoire de la littérature, dont il est lui-même un des représentants les plus éminents sur le plan mondial. Je vous rappelle que ses derniers romans ont été traduits en 7 langues. C'est précisément cela, disais-je, c'est cette médiocrité que Stanislas Norvid a voulu montrer à travers le personnage de Gloria Avril, dans lequel Mademoiselle Mars a cru devoir se reconnaître. Hé, hey, comment je m'y reconnais, c'est moi? Mais ma foi, je ne peux pas en toute franchise vous dénier cette qualité. Oui, en effet, Mademoiselle Mars est le modèle de Gloria Avril du livre de Stanislas Norvid, La Belle Affaire. La littérature est ainsi faite qu'elle prend ses modèles dans la vraie vie, qu'elle scoupe. Et pour protéger la sécurité, la vie privée, parfois l'honneur des personnes, les écrivains prennent soin de changer les noms. Mais que peuvent-ils faire quand ces personnes se révoltent et viennent, contre toute logique, crier sur les toits « Je suis Madame Bovary, je suis Gloria Avril, je suis la duchesse de Guermantes ». Eh bien, c'est derrière cette étonnante autopublicité paradoxale, et je dirais masochiste, à laquelle se livre depuis deux jours Mademoiselle Mars à travers ses interventions intempestives dans la presse, à la radio et au Salon du Livre, que nous trouvons la seconde raison qui fait que le plagiat ne peut être reconnu en l'espèce. Alors, j'ouvre une parenthèse. Aurait-on mieux compris que Bianca Mars porte plainte pour atteinte à sa vie privée? Pas du tout. Et c'est, j'imagine, sur les conseils de son défenseur que Mademoiselle Bianca Mars s'en est abstenue, conseil avisé, car à la lecture de ces fameuses lettres, on chercherait en vain une once de privacy. Hein, si vous me permettez ce terme anglais. Pas une parcelle de vie intime. Rien de personnel, rien d'authentique, tout empeste l'emprunter, le truquer. Ça, c'est un peu fort. Non, mais attendez, attendez, Bianca, nous aurons la parole. Bon, ainsi, dans une lecture non partielle, honnête, scrupuleuse, de toute la correspondance entre l'écrivain et son admiratrice éperdue d'amour, tout indique non seulement l'accord, mais la demande, je dirais même l'imploration de la correspondante. Ce n'est pas le plaisir de la chair qu'elle appelle de ses voeux, c'est le frisson de la publication qu'elle veut connaître. Or, elle sait qu'elle ne l'obtiendra pas sous son nom, avec ses pauvres textes, tentatives de romans, je suppose, essais, recueils de poésie, d'une teneur certainement tout aussi consternante que celle qui affleure dans ses lettres. Elle a peut-être, je suppose, oui, elle a sûrement tenté de se faire éditer en vain, toujours en vain. Elle est jeune, mais impatiente. Elle ne se résout pas à travailler, travailler encore des années et des années afin de rendre son écriture acceptable. Non, elle veut, comme nombre de jeunes de son époque, tout de suite être éditée, avoir le statut d'écrivain, la gloire, l'argent. Eh oui, le mot est lâché. Il est d'une simplicité navrante, d'une triste banalité, mais il s'impose, comme trop souvent, l'argent. Tandis que l'avocat des éditions du Bac tente un retournement de situation pour le moins acrobatique, Julien Després observe celle avec qui il a passé la nuit avec une curiosité incrédule. Il a lu son manuscrit dans la nuit, l'a jugé à peu près nul, mais il avait tellement envie de l'embrasser, de partir avec elle sur un bateau, qu'il était prêt à lui en signer un autre. Car s'il ne se dégageait de ce texte ni style, ni histoire, et encore moins de morale, quelque chose lui disait qu'il avait pourtant affaire à un écrivain. Elle en avait déjà le toupet, la conviction. N'était-ce pas là l'essentiel? En effet, dans cet échange de lettres, quand on restitue la chronologie exacte, il apparaît clairement que la plaignante rêve de figurer dans le prochain roman de Stanislas Norvid en tant que personne ou en tant que personnage. Elle ne fait pas la différence. L'important pour elle, c'est d'entrer en littérature. Certes, elle entre ainsi par la fenêtre, mais une fois qu'on est dans le temple, qui se souvient par où on est entré? On peut s'adresser au bon Dieu comme à ses saints, tout y est permis, et elle ne va pas se priver, aussitôt débarquée en France, hop, le Salon du Livre, hop, la radio, hop, les écrivains célèbres en train de dédicacer leurs livres, elle leur parle, leur saute sur les genoux, elle les aguiche. Elle se pose en victime du pire des crimes en matière littéraire, Sainte Blandine de l'édition dévorée par les lions, un procès pour finir de la rendre célèbre, et le tour est joué. Bianca Mars est une personnalité du monde littéraire avant même d'avoir publié quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de plagiat, monsieur le juge. Il n'y a qu'une manœuvre grossière, un piège, une tentative d'extorsion de fonds. C'est pas vrai, c'est moi qu'on accuse à présent. Ah, je vous en prie. Maître Dreyfus, expliquez à votre cliente qu'elle doit respecter le tribunal. Veuillez excuser ma cliente, monsieur le juge, mais comprenez que ce qui est en train de se dire la révolte. Bien sûr, bien sûr. Maître Morand, poursuivez. 200 000 euros, monsieur le juge. C'est ce que réclame la plaignante qui n'a pas lésiné sur les zéros. Hein. 200 000. Mais pourquoi pas 2 millions? Non, je comprends qu'une jeune Canadienne puisse se croire en Amérique, mais de la part de son conseiller, il y a là dans une démesure qui dénonce l'inanité de cette plainte, hein, la loufoquerie de ce procès. Alors, dans sa compassion pour cette jeune femme, désespérée de ne pouvoir être publiée, mon client accepte de glisser dans une prochaine impression de son roman une prière d'insérer où il sera fait mention du nom de celle qui lui a inspiré le personnage de Gloria Avril, puisqu'elle en revendique la propriété. Rendons à Mars ce qui appartient à Mars. Trop généreux, là. Mais c'est aussi un sentiment de générosité qui le retient, contre l'avis de son éditeur et le mien, de porter plainte contre Bianca Mars pour tentative d'escroquerie, chantage et diffamation. Il a réussi à nous convaincre qu'il pouvait compter sur votre clairvoyance, monsieur le juge, pour que mademoiselle Mars soit déboutée de toutes ses demandes. Et cela nous suffira. Merci, maître Morand. Vous avez la parole, maître Dreyfus. Monsieur le juge, je suis assez surpris d'entendre mon collègue nous donner des cours de littérature. Je ne lui conteste pas le droit d'apprécier tel ou tel style plutôt qu'un autre, mais je m'oppose à ce que son opinion s'érige en dogme et serve à un quelconque système de censure. Le bon goût de Maître Morand n'a pas valeur universelle. Et toc ! Julien Després ne peut retenir un rire. C'est décidément une fille formidable. Et toc ! Et toc ! Se répète-t-il. Nous ne sommes pas là pour juger de la qualité des écrits de ma cliente. Pour autant, lui en dénier le titre de propriété parce qu'il ne remplirait pas les canons établis par l'Académie Morand serait tout simplement impossible. Elle a écrit ses lettres, et ce sont ces lettres qui ont été saluées par la critique, comme je cite Le Figaro, merveilleuse, Le Monde, d'une sensibilité bouleversante. L'un de nos plus éminents critiques, Jérôme Garcin, pour ne pas le citer, s'est quant à lui émerveillé de, je cite, « la capacité de Stanislas Norvid à pénétrer l'âme féminine, jusque dans ses naïvetés, ses excès, ses touchants épanchements. » Quelle arrogance! Quel sentiment d'impunité! Il reçoit des lettres d'une femme qui veut l'aider, le soutenir, alors qu'il purge une peine de 3 mois de prison pour voie de fait, tentative d'assassinat, que sais-je. Et avec cet instinct de prédateur, qui a déjà fait ses preuves, il va vers sa victime comme le vieux loup au sang. Il lui répond, parvient à l'émouvoir, à la séduire, elle tombe amoureuse, platoniquement, mais fiévreusement, éperdument. Et ses lettres prennent alors une dimension épique, magnifique. Il l'encourage. Écrivez. Écrivez, lui ordonne-t-il. Et pour cause. Écrivez-moi, devrait-il dire. Écrivez pour moi. Elle obéit. Elle est jeune. Elle vit dans le nord du Québec, à Fort-Georges. Quel risque prend-il? Il la tient en son pouvoir, telle l'araignée dans sa toile. Il va lui sucer le sang. Je veux dire, lui prendre ce qu'elle a de plus cher, son amour et les mots pour le dire. Il va le prendre jusqu'à la dernière goutte et la laisser victime, exsangue, désespérée, n'ayant plus pour se redresser que le remède de la rage et un désir de vengeance que la justice, dans son immense sagesse, va tenter de convertir en demande de réparation. C'est le moins qu'on puisse lui accorder. 20 pages, monsieur le juge. Et quelle page! La critique n'a parlé que de ces pages. Le succès de ce livre, 100 000 exemplaires, doit tout à ces lettres qui sont les plus citées dans les blogs et font déjà partie de notre patrimoine littéraire. Je pèse mes mots. Il convient de leur rendre leur paternité et de rétablir leur auteur dans ses droits. Oui, 200 000 euros, les héros qui impressionnent tant Maître Morand n'ont pas effrayé son client qui a touché ou touchera grâce au succès à la fois mérité et illégitime de son roman plus de 400 000 euros. Il nous apparaît pour le moins normal, équitable au minimum, que c'est Bianca Mars qui est, quoi qu'en dise mon collègue, dont je ne connaissais pas les qualités de critique littéraire, l'auteur d'une grande partie de ce livre. Cela ne fait aucun doute à présent, vous en conviendrez. Le juge semble s'être passablement diverti à cette audience. Après avoir remercié les avocats, il annonce qu'il met la décision du tribunal en délibéré. Mais quelle surprise pour les journalistes, pour les avocats, et quel délice pour Julien Després de voir Bianca lui sauter au cou en lui murmurant de façon inattendue « Je voudrais tellement que mon livre sorte en septembre. Oh, chérie, promets-le-moi. » Nous verrons cela, Bianca. Hein? Chaque chose en son temps. « Neige brûlante. » Le premier roman de Bianca Morse, sorti au premier office de septembre. Oh, ce serait tellement fun! À suivre. Mars attaque. Ou les 5 jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. 4e épisode. Avec Vincent Grasse, Olivier Creveillet, Noémie Landreau, Thibaut de Montalembert, Grégoire Osterman, Pierre-Yves Desmonceaux, Antoine Sastre. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossire.